misère et me présente au soleil. Quoi qu'il en soit, car certains font du sommeil. Je ne suis pas là pour présenter une cité, un quartier, une banlieue. Simplement il s'estroit d'un papier, un stylo, une feuille. Je ne suis pas un gangster qui représente ses frères. Simplement un rappeur dans une ville à mon frère. J'ai les moyens, je ne rappe pas pour ma peine. Je suis pas un rappeur à critiquer le peine. J'avoue que le thème de la mixtape m'a inspiré. Prouver qu'une résidence peut inspirer un quartier. Mon rap est puissant, ça vit dans une banlieue. C'est pourquoi mes sons, je ne suis pas prétentieux. J'habite une résidence qui n'est pas trop peuplée, ce qui ne m'empêche pas de cartonner. Je suis bien en France et je suis prêt de manière fraîche à vous le prouver. Pas de cité, pas de quartier, pas de banlieue. Un papier, un stylo, une feuille. On fait ce qu'on a car on fait ce qu'on aime. Quoi qu'il en soit, dans la joie, dans la peine. Pas de cité, pas de quartier, pas de banlieue. Un papier, un stylo, une feuille. On fait ce qu'on a car on fait ce qu'on aime. Quoi qu'il en soit, dans la joie, dans la peine. Voilà, je suis reparti pour te parler de ma résidence. Ces digues ne s'affectent pas comme remontrance. Je n'ai pas de regrets affectés par les rejets. En état mal fréquenté, nous avons plus de vécu. Mes larmes sont mouchées avec un rouleau de PQ. Je ne rappe pas pour les studios de Skyrock. Tout simplement pour mes potes, il était une fois mon bloc. Sur cette tape et ce thème, je dois être le seul MC. C'est un seul petit qui rappe pour les gentils. Car les études lui pourrissent la vie. Pour qui ses problèmes le dirigent vers la sortie. Par le manque d'amour et les soucis, chez moi y'a pas tour mais des sursis. Je n'ai pas besoin de trafic et de raquettes pour dire que ça va mal, ça entre dans mes baskets. Je rappe et c'est un moyen d'expression. Retiens bien ça, fils, ton expression. Pas de cité, pas de quartier, pas de banlieue. Un papier, un stylo, une feuille. On fait ce qu'on a car on fait ce qu'on aime. Quoi qu'il en soit, dans la joie, dans la peine. Pas de cité, pas de quartier, pas de banlieue. Un papier, un stylo, une feuille. On fait ce qu'on a car on fait ce qu'on aime. Quoi qu'il en soit, dans la joie, dans la peine. J'espère que le message a bien été passé. Celle d'un jeune rappeur, il rappe pas pour percer. Dans ma tête, ça ne va plus. Je t'avoue, je ne m'avoue pas vaincu. Me prends pour ta prochaine MC car je commets un braquage de porte. T'as un problème, viens me tester. Je commets un cassage de côte. Je clash et je freestyle en texte et en impro. Tu n'es pas de taille, je représente Gignac et tous les pros. Peut-être que ma villa se fera bientôt connaître. Ceux qui perdent des permet d'arriver comme une comète. Je viens vous dire à tous les auditeurs, ne lâchez rien jusqu'à ma dernière heure. Je suis Gino, 17 ans, qui veut tester les peurs. Il était une fois mon bloc, une mixtape qui fait peur. Gino, I16 production, ouais. Bon, ouais. Pas de cité, pas de quartier, pas de banlieue. Un papier, un stylo, une feuille. On fait ce qu'on a car on fait ce qu'on aime. Quoi qu'il en soit, dans la joie, dans la peine. Pas de cité, pas de quartier, pas de banlieue. Un papier, un stylo, une feuille. On fait ce qu'on a car on fait ce qu'on aime. Quoi qu'il en soit, dans la joie, dans la peine. Pas de cité, pas de quartier, pas de banlieue. Un papier, un stylo, une feuille. On fait ce qu'on a car on fait ce qu'on aime. Quoi qu'il en soit, dans la joie, dans la peine. Quartier, cité, banlieue.